les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il faut bien faire une fin. On ne peut pas faire peur durant des siècles et des siècles. Les criminels ne sont pas éternels. Hélas. Hélas, évidemment, lorsqu'il s'agit de criminels littéraires. Hélas, puisqu'alors leur aventure cesse et nous, lecteurs, devons en prendre notre parti et aller voir ailleurs, là où le crime se commet, plus ou moins bien. Mais quand il s'agit de Fantômas, il se commet parfaitement. Et on sait que l'on a des heures et des heures de relecture. En 1984, Philippe Clay, Jean-Marc Thibault, Yves Régnier, Claude Pieplu, Marie-Hélène Breillat, Germaine Montero, Marion Gamme étaient en tête de distribution de « La fin de Fantômas ». C'était le 12 mai 1984, sur France Culture. Fantômas. Vous dites ? Je dis « Fantômas ». Cela signifie quoi ? Rien. Et tout. Pourtant, qu'est-ce que c'est ? Personne. Mais cependant, quelqu'un. Enfin, que fait-il, ce quelqu'un ? Il fait peur. Écoutez, faites silence, la triste énumération de tous les forfaits sans nom, des tortures, des violences, toujours impunies, hélas, du criminel Fantômas. La fin de Fantômas, de Pierre Souvestre et Marcel Allain. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Philippe Clay dans le rôle de Fantômas. Musique originale, Louis Bessière. Complainte de Kurt Weill et Robert Desnos, chantée par Germaine Montero. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Si monsieur veut bien me suivre, la duchesse Yekaterina va le recevoir. Oui. Monsieur l'inspecteur Juve. Madame. Vous êtes dans une terrible situation, monsieur Juve. En effet, madame. Si vous ne retrouvez pas les colliers de la tsaritsa avant demain matin... Je serai pendu. Et avec moi, mes amis Hélène et Fandor. Que feriez-vous pour mettre la main sur ce bijou ? Tout ce qui est en mon pouvoir, madame. Je peux vous les faire retrouver. Est-ce possible ? Sur mon honneur. Mais en échange... Je vous écoute, madame. Jurez-moi que jusqu'à demain midi, Boris Pakrov sera protégé par vous. Et que personne ne portera la main sur lui. Madame, savez-vous qui se cache derrière ce nom ? Oui, Fantômas. C'est le génie du crime. C'est mon amant. Et je l'aime. Ai-je votre parole, monsieur Jove ? Oh, Hélène. Fandor, pour vous, Votre parole, monsieur. Vous l'avez. Merci. Le collier à présent. Les voici. À mon cou, sous cette écharpe. C'est donc vous qui l'aviez ? Mais comment ? Ah, pas de questions, monsieur. Mais au nom du ciel, tenez votre parole. Madame, c'est celle d'un policier français. On sait, mais pourquoi ? Vous êtes accusé d'avoir remis à Sa Majesté l'Empereur un collier faux en place du vrai. Mais je suis un policier français. Je sais, mais j'ai des ordres. Il faut nous suivre de gré ou de force. Allons-y. Est-ce ainsi que moi, Juve, Hadzar Koyesello, vais voir se terminer tout au fond d'un cachot humide bien qu'impérial mon combat titanesque contre toi, Fantomas, criminel gigantesque. Colonel Gourotsky, aide de camp de Sa Majesté. Juve, policier français. Je sais. Voulez-vous me suivre ? Je suis à vos ordres, Excellence. Veuillez attendre ici. Ma parole, je suis dans le salon du tsar. Que veut dire ceci ? Et pourquoi tant d'égards ? Suis-je pas arrêté, bien que de la police ? Parisienne, il est vrai. De doute, mon front se plisse. Sa Majesté le tsar. J'espère que vous ne m'en voulez pas, monsieur Juve. Pour tout dire, Majesté, je me demande si je ne rêve pas. Je vous écoute. J'allais regagner la France, certain de vous avoir rendu le vrai collier, et puis crac, on m'arrête car, me dit-on, le collier est un faux. Je redoutais la colère de votre Majesté, qui vient de m'honorer d'une poignée de main. Mon bon Juve, je suis l'homme du premier moment. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu'après ces moments-là, je prends le temps de réfléchir. Ah, et donc ? Je ne vous arrête plus, car vous n'êtes certainement pas les voleurs. Mais il n'en reste pas moins que les diamants du collier sont faux. Qu'a-t-il pu se passer ? Vous ne devinez pas ? Fantomas ! Il vous a, comment dites-vous, roulé une fois de plus ? Oui. Et avec moi, la duchesse Yekaterina. Juve, il faut me retrouver ces bijoux. Il le faut. L'impératrice et moi, nous allons nous rendre en France. Au terme du protocole, il est nécessaire que la tsaritsa porte son collier pendant les fêtes données en notre honneur. Sa Majesté l'impératrice portera son collier à Paris. Il le faut. sinon il me resterait un soupçon à votre endroit. Comment s'appelle la ville frontière où le Nord Express quitte la Russie pour pénétrer en Allemagne ? Etkunen. Y a-t-il de la police là-bas, sire ? Naturellement. Et tous les voyageurs doivent descendre pour se soumettre aux formalités de la douane. Parfait. Mais pour agir, j'ai besoin de ma liberté. Je vous la rends. Etkunen. J'ai gagné. L'Allemagne est à deux pas. Non, Juve. Fantomas, jamais tu ne vaincras. Que se passe-t-il ? Des Cosaques. Ciel, ils servent à la gare et fouillent la populace. Fuyons ce tintamarre. Monsieur l'employé, la douane, s'il vous plaît. Là-bas, sur la droite. Mais il faut d'abord faire viser votre passeport. C'est obligatoire ? Oui, et en plus aujourd'hui, il fouille tout le monde. Il vous faudra de la patience, petit père. Enfer ! Le collier, comment le passer ? Ah, Juve, il faudra qu'un jour tu me paies cette minute d'angoisse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une caisse à claire-voie, pleine de poules. Rien que des poules noires. Bizarre. Où est-ce qu'elles sont, mes cocottes ? Ah ! Les v'là. Bonjour. Hein ? Ah ben tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu veux ? Tes contrôleurs ? Mon billet ? Ah ben tiens, le v'là. Bonjour. Est-ce que je me gourre ? Qui que t'es ? Devine. J'ose pas. Allons, un petit effort, fumier. Fantomas. Ah non, non, c'est pas toi. Imbécile. En l'honneur de qui crois-tu qu'on a fait venir tous ces soldats dans la gare ? Maître... Je savais pas. Faut vous dire que je suis en retraite des aventures. Quoi ? Ah oui ? Eh oui. Je suis en place. En place ? Toi, fumier. Ah oui, je suis comme qui dirait le maître d'hôtel des animaux du jardin d'acclimatation de Paris. Valet de ferme. Oh. Toi, un ancien apache. Triste fin. Ah, décidément, mon pauvre fumier, tu n'étais pas digne de servir sous mes ordres. Ah, maître, ça me fait mal ce que tu me dis là. Et qu'est-ce que tu fous en Russie ? C'est rapport à ces cocottes là que vous entendez gueuler comme une bande de députés. Ces poules noires, paraît que c'est du bétail rare, destiné à l'exposition qui va se tenir à Paname. Et M. Jean Vial, mon patron, il m'a envoyé comme ça en Russie pour que je les ramène. Ainsi, on t'a envoyé si loin pour convoyer une douzaine de poules. Ah oui, patron. Et tu penses que tu vas les ramener ? Tu te trompes. On ne t'a pas envoyé en Russie pour chercher des poules. Mais si, patron. Non, on t'a envoyé ici pour mourir. Tiens. Essuyons ce couteau, il peut encore servir. Et maintenant, faut faire vite. Fouillons bien le défunt. Son ticket de chemin de fer. Le voilà, dans sa main. Son passeport, sa photo. faut que j'emprunte son visage. Facile. Je suis aussi le roi du maquillage. Juve, qui n'est pas là. C'est grave, cette lettre. Épouvantable, Pérouse. J'en perds la tête. C'est vrai, on jurait que vous avez un ennui. Ah, vous appelez ça un ennui? Écoutez plutôt. Monsieur le chef de la sûreté, je ne goûte pas les mauvaises plaisanteries et vos services viennent de m'en faire une que je juge détestable. J'étais parti en Russie, vous n'aviez pas à vous en occuper. Il a plu à votre subordonné, le policier Juve, de me donner la chasse. Et le hasard seul m'a permis, à la frontière russo-allemande, en gare d'Etkunen, de lui échapper. Ma devise a toujours été œil pour œil, dent pour dent. Vous vous occupez de moi, je vais donc m'occuper de vous. Et vous ne serez pas seul à être l'objet de mes soins. Tout Paris approuve Juve. Lorsque Juve s'acharne sur moi, je m'attaquerai donc à tout Paris. Je vais châtier la ville comme elle le mérite par une série d'attentats formidables. Et c'est signé... Fantomas. Monsieur Jean Vial. Allons, bon. Que puis-je pour vous, monsieur? Oui, oui, je suis le directeur du jardin d'acclimatation et le président de l'exposition internationale d'aviculture qui doit ouvrir ses portes prochainement. Enchanté. Et, que désirez-vous, bonjour, juste? Monsieur, oui, bonjour, monsieur. Je viens pour un vol. Important? Oh, une soixantaine de mille francs, oui. Adressez-vous à mes services. Ce sont eux qui m'envoient vers vous. Et que vous a-t-on volé? Titres, bijoux, tableaux? Non, mais non. Non, non, des poules. Des poules? Des poules qui font des œufs? Et oui, oui, messieurs, des poules qui font des œufs, oui. Mais des poules extrêmement rares, comprenez, destinées à la prochaine exposition. Ah, je comprends votre ennui et ce vol. Où a-t-il été commis? En Russie, oui. Quoi? Mais je n'appartiens pas à la police russe, moi. Qu'est-ce que vous voulez que... En Russie. Et d'abord, où cela, au juste, c'est grand, la Russie. Oh, oui, oh, oui. Mes poules ont été volées en garde d'Etkunen. Qu'est-ce que vous dites? Je dis en garde d'Etkunen. Ah non, de Dieu! Pourquoi ne le disiez-vous pas tout de suite? Mais un vol à la frontière russo-allemande, là où est passé Fantomas. Mais parlez, que savez-vous? Mes poules ont disparu, c'est tout. Il fit tuer par la Toulouche, vieillard aux yeux dégoûtants, un Anglais à grands coups de dent. Et le sang remplit sa bouche, puis il cacha un trésor dans les entrailles du mort. Quand ils m'ont dit au greffe, la votre bardin filé, vous êtes libre à Toulouse. J'ai dit au poil, pensez. 38 francs dans ma fouille, je vais me flanquer une biture. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Un biglet de sa voiture. Monte. Hein? Qui c'est? Obéis, la Toulouche. Monte. Oh, mon Dieu! Fantôme. Silence. Monte. Me v'là. Allons, fouette, cocher. Mince d'honneur. T'es venu me chercher à ma sortie de Toul en personne. Qu'est-ce que tu me veux? Fumier est mort. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Ça signifie qu'il est mauvais de ne pas m'obéir aveuglément. Tu comprends? Oui, patron. Et alors? J'ai pensé à toi pour une mission. Hein? Tu vois cette caisse? Dedans, il y a 12 poules noires. 12 poules noires? Je vais te les confier. Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Tu les garderas et tu les élèveras. Mince alors! Regarde, j'y tiens plus qu'à mes yeux. C'est un souvenir de fumier. Il ne faut pas qu'elle disparaisse. Il ne faut pas à la Toulouche, tu as bien compris? Oui, maître. Le rude combat que mène chaque jour le directeur ruiné par de multiples fours. C'est moi, le directeur de ce triste théâtre. Oh, finirai-je un jour d'en essuyer les plâtres? Alors, Léon, beaucoup de monde ce soir? Personne, monsieur Thibault. Non, rien de loué. 6 fauteuils. Ah bon? Ah! Oui. Il y a quelqu'un qui vous demande. Ah oui, un auteur va afficher le à la porte. Non, c'est pas un auteur. Un comédien, dites-lui, qu'on n'engage pas en ce moment aux Folies Françaises, c'est tout. Non, c'est pas non plus un comédien. C'est pas. Ah, c'est un ami. Alors donnez-lui 2 strapontins en disant qu'on fait salle pleine, voyons. Mais monsieur! Mais qu'est-ce que. Monsieur, j'ai bien l'honneur. Ah oui? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Je vous apporte la fortune. Ah, oh bah très bien. Alors là, je vous attendais. Asseyez-vous donc. Merci. Je vous crois, monsieur, le plus intelligent de tous les directeurs de théâtre. Mais je le suis. Et celui qui gagne le moins d'argent. Hélas. Eh bien, vous allez en gagner beaucoup. Parce qu'il y a dans Paris 100 000 jeunes gens, au moins, qui courent après la dot d'une héritière. Oui, je saisis pas. Voici. J'ai un moyen infaillible de faire venir ces 100 000 jeunes gens aux Folies Françaises. Non. Si. Mais, bien entendu, il me faut un pourcentage sur vos recettes. 1,5. Ah, ben moi, je vous en donne 2. Votre moyen. Lisez ceci. Ah oui. Une jeune fille ayant 1 000 000 de dot, jolie, intelligente, indépendante, mais fort bien élevée, désirerait rencontrer pour mariage un jeune homme, même pauvre, mais intelligent, homme de cœur et sentimental. Voilà. Cette jeune fille, accompagnée de son tuteur, se trouvera chaque soir dans la loge 22 au théâtre des Folies Françaises. Tous les jeunes gens susceptibles d'être intéressés par cette annonce pourront discrètement la voir avant d'écrire aux initiales KB, poste restante, bureau 37. Voilà. Et alors? Il n'y aura personne dans la loge 22. Ah bon? Mais dans la salle, oui. Il y aura le tout Paris qui, vous le savez, est composé d'une majorité d'imbéciles et qui marchera comme un seul homme. Oh, mais moi aussi je marche. Mais elle est merveilleuse, votre idée. C'est un grand mois de succès. Et c'est aussi 50 francs qu'il me faut payer, le prix de l'annonce. Ah oui, oui. Je suis ingénieux, mais sans le sou. Ah. Mmh. qu'était-il donc arrivé à Juve? Il m'avait dit « Gare de Saint-Pétersbourg, nous voici à Paris, Hélène et moi, sans lui. Y aura-t-il un message m'attendant au journal ?» Grimpons les deux étages. C'est Fandor! T'es donc pas mort? D'où tu reviens? Depuis si longtemps. Puisque t'es là, on va déboucher le champagne. Eugène, va chez le bistrot d'en bas et ramène 4 bouteilles de roteux, au moins. En attendant, raconte, Jérôme. Merci à vous tous. Je vais vous expliquer. Mais où est Chien écrasé? Là-bas, dans son coin. Il s'occupe d'une dame. Allons le rejoindre. Expliquez-vous, madame. J'ai pensé qu'un journal comme La Capitale, rédigé par des hommes de valeur comme vous, toujours prêts à défendre les grandes causes, ne voudrait pas permettre que les habitants d'une maison de 6 étages soient quotidiennement molestés par le fait de l'incurie du gouvernement. Nous défendrons la maison de 6 étages, n'en eût-elle que 5. Voici les faits. J'habite au 228 du boulevard Haussmann. Ah, joli quartier. Et qui devrait être tranquille. Oui, en effet. Eh bien, il ne l'est plus, monsieur. Car figurez-vous que depuis une semaine, nous sommes réveillés à l'aube par des poules. des poules, boulevard Haussmann? Oui, monsieur. Dans la colonne Maurice. Vous en êtes certaine? Absolument. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Mais comme toutes les poules, elles font cote, cote, cote, cote, cote, cote. Vous êtes bien sûr que ce sont des poules, madame? Certaines, je vous dis. Tiens, t'es de retour, Fandor. Des poules dans une colonne Maurice, c'est pas banal. Il faut que j'aille tirer cette affaire au clair. Venez, madame. Je vous suis. Ouais, il perd pas de temps, notre Fandor. C'est de cette colonne que s'élève chaque matin le chant de la volaille dans le ciel parisien. Tiens, tiens. Quel est ce bruit? Voilà bien autre chose. Je viendrai à minuit en déceler la cause. De la colonne avec cette échelle. Bah mince, il y a un kidam qui éclaire une chandelle. On peut pas me foutre la paix, le couleur d'affiche, là. Le mec, il a réveillé Joséphine à cette heure. Bousille! Qui a dit mon nom? C'est toi, là-haut? Je descends. Ouvre-moi la porte. Oh, monsieur Fandor. Comme on se retrouve en trésor. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans, Bousille? Je me suis foutu l'ermite. Dans une colonne Maurice? J'ai pas trouvé mieux. Et cette poule noire? C'est Joséphine, La poule à ma poule. Qui c'est ta poule? Hélas, c'est la Toulouche. Oh, pauvre Bousille. Mais pourquoi t'a-t-elle donné Joséphine? Parce que, monsieur Fandor. Parce que... Parce que quoi? Parle! Bon. Mais ce sera 40 sous. Tiens, et voilà. Tout ce que je sais, monsieur Fandor, c'est que la Toulouche est sortie de tôle et qu'elle est revenue avec cette poule. Paraît qu'elle y tient plus qu'à ses yeux. Mais elle peut pas la garder chez elle, alors c'est moi qu'en a la charge. Voilà. J'en sais pas plus sur la poule à ma poule. Pour ce qui est d'autre chose, alors... ça serait encore 40 sous. Tiens, voleur. Oh, m'insulquez pas, monsieur Fandor. Je donne toujours des bons tuyaux, non? Et alors celui-là? Celui-là, je vous jure qu'il vaut son pesant d'or. Je t'écoute. Voilà, tout est dit. Il y a l'affiche d'un théâtre, dehors, sur la colonne. Il y en a même plusieurs, et alors? Oui, oui, non, mais devant celle-là, l'autre jour, il y avait deux particuliers qui causaient. Ils disaient que dans ce théâtre, il y aurait une sale catastrophe demain soir. Et quand je vous aurais dit que l'un était le bedeau et l'autre... Fantomas. Tout juste. Indique-moi de quelle affiche il s'agit, Bousille. Sortez voir. Là où que je frappe, hein? Eh ben, il y a l'affiche. Théâtre des menus plaisirs. Bon. Fantomas était-ce lui? Bousille a pu se tromper. Que faire? Le directeur, bien sûr, va me rire au nez si je dis tout à trac qu'il doit, pour la première, prévoir une catastrophe. La police? Non. Me taire. Me taire? Mais s'il est vrai que Fantomas ira à ses menus plaisirs, eh bien, il m'y trouvera. Me taire aussi pour que ma douce et chère Hélène ne soit pas ce soir-là avec moi, dans l'arène. Oh, joie! Est-il au monde un son plus mélodieux que celui qui grelotte aux portes de ces lieux et rassemble la foule en mes folies françaises? Il nous faudra ce soir un supplément de chaises. Tu as vu Thibault? Il rayonne. Il n'y a personne dans la loge 22. Demandez le programme! Regardez, la loge 22 est vide. Elle ne viendra pas. Mais si, au début de la représentation. Pour mieux se pavaner. Oh, les filles pleines de peine. Le programme! Demandez le programme! C'est celle-là, la loge 22. Vous êtes sûr? Mais oui, c'est la seule qui soit encore vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Patientez, ma chère, patientez. Vous la verrez, la belle au sac d'or. Hélène! Josette! Bonjour. Il y a longtemps qu'on t'avait vue. J'étais en Russie, avec Jérôme. Je ne le vois pas, ton célèbre Fandor. Il est de service au journal. Il viendra me chercher tout à l'heure. Quelle cohue! Le spectacle doit être de qualité. C'est Jérôme qui me l'a conseillé. Moi, c'est au menu plaisir que je voulais aller. Mais Fandor me l'a pratiquement interdit. Il a bien fait. Ici, avec l'affaire de la loge 22, ça va être une soirée mémorable. Quelle loge 22? Tu ne sais pas? Ça commence, asseyons-nous, je te raconterai plus tard. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Les soldats sur la Seine, vous croyez que c'est dans la pièce? Mais oui, oui, ils attendent leur capitaine. Mais oui, pour aller reprendre l'Alsace et la Lorraine. Il n'a pas l'air pressé, cet officier. Alors, voilà, c'est lui, c'est lui. Bravo. Mais il était temps. Hussards, en joue. À chacun son rang de spectateur. Et feu à mon commandement. Ce qui joue bien, celui-là, on dirait un vrai. Silence. Mesdames et messieurs, les mains en l'air. Allons, s'il vous plaît. Les mains en l'air. Quel réalisme. Pas un mot, pas un geste. Le premier qui bouge ou qui parle est mort. Et maintenant, mes quêteurs vont passer parmi vous. Et les quêteurs, c'est nos zigs. Allez, pour nos pétances. Allez, tes bijoux, la gonzesse. Allez. Hey, mec, file-moi ton portefeuille. Et ta montre aussi, pendant qu'on y est. Et toi, à bout de ton pèse, ou je vais cracher mon pétard. Miséricorde, c'est Fantomas. Tes bijoux, toi, la grosse, c'est plus vite que ça, hein. Le bedeau. Oh, tiens. Tiens, ma vieille, les v'là mes breloques. C'est du toc. Je trouverais bien le moyen de me faire remplacer par du vrai. Ah, si tu les veux, c'est celui-là pour ça, ma poule. Ah non, hein, m'appelle pas ma poule. Et pourquoi? Je veux pas qu'on m'appelle ma poule. Ah bon? Et puis j'ai mes raisons. Ah, tu t'appelles comment, alors? Adèle de Rivoli. Et toi, mon brun? Manuel de Palatelio, je suis brésilienne. Brésilienne. Ah, ça, je l'aurais parié. J'habite Paris, rue des Promis. Oh! Oh, on peut visiter. Si on réussit à sortir d'ici, oui. Ton fric, le gaucho. Qu'est-ce qu'il dit? Donne. Il veut ton pognon. Voilà, señor. En tout cas, ça ne vous dérange pas, señor bandito? Qui a coupé la lumière? Feu! La lumière! Feu! Tragique méprise. Une affiche qu'un jour on colle sur une autre et j'offre mon amour au cou de Fantomas. Dieu, épargnez ma femme et confiez-moi le soin de terrasser l'infâme. Alors, docteur? Elle est endormie. Il est préférable de la laisser au calme. Est-ce grave? Non, la blessure est légère. Mais elle a été fortement commotionnée. Dans une quinzaine de jours, la fusillade des Folies françaises ne sera plus pour cette jeune femme qu'un mauvais souvenir. Tranquillisez-vous. Nous prendrons soin d'elle. Merci, docteur. Je vous en prie. À nous deux, Fantomas. Moi, je me tape tout le turbin. Et c'est toujours le même qui empoche les talbins. Il y en avait pourtant ce soir, dans mon galure, quand j'ai fini la quête. Des perles et du carbure. Là, le passage Tivoli. C'est là qu'est mon hôtel. Jour de Dieu, j'en ai marre de cracher dans ce bordel. Ma chambre, ils sont là-haut, le ramor et la vieille chic. Et j'en ai plus que marre de ne bouffer des briques. Oh, il aurait tout de même pu me refiler quelques fafios, Fantomas. Pour commencer. Veux-tu te taire, Valérie ? Cette nuit, faut que je roule. Des bêtes comme ça, c'est pas humain. Moi, je leur y tordrais le cou avec plaisir. On y voit plus clair. Et il m'a dit de la garder comme mes yeux. Ouais. Non seulement je lui enfourre plein les poches, mais il faut encore que je lui soigne sa brosse-cour. Marre, je vous dis, hein, et faim. Et quand j'ai faim, moi, faut que je bouffe. Adieu. Ce soir, elle écoute pas la volaille. Eh bien, qu'est-ce que tu as, Bedeau ? Rien. Où est ma poule noire ? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas ? Et ces plumes, là, à terre ? Bedeau, où est ma poule ? Je t'avais dit de me la garder. Bedeau, tu me désoles. Comment ? Toi, un vieux compagnon de 20 ans, tu as pu me trahir. Sais-tu ce que ça mérite? Grâce, maître, pitié. Pardonnez-moi. La pitié est un signe de faiblesse. Tu vas mourir. J'ai grand-peine à garder mes complices longtemps. Toujours, il leur arrive malheur. C'est embêtant. Bon, voyons. Qu'a-t-il fait de cette poule noire ? L'a-t-il mangée ? Ah non ! La voilà sous l'armoire. Viens, ma cocotte, viens. Dans l'instant, je t'emporte. Peu me chaud que tu vives ou bien que tu sois morte. Demandez la capitale, édition spéciale. Terreur sur Paris, le retour de Fantomas. Édition spéciale. Arrivée de Nicolas II à Paris. Le tsar et la tsarine à Paris. Demandez la capitale. Tout sur la visite du tsar à Paris. Thank you. À droite, alignement. Arrêtez-vous. Repos. Arrêtez-vous. Repos. Ah, c'est pas drôle du tout d'être le grand patron de la sûreté française quand les rois en fonction et les empereurs en titre viennent à tour de rôle savourer de Paris les heures les plus folles. Monsieur Lavard, bonjour. Juve, où étiez-vous ? Moi aussi. Et vous êtes revenu avec le tsar ? Oui. Vous auriez pu lui dire de rester chez lui. Ah, j'en ai du tintouin avec tous ces souverains étrangers amoureux de Paris. C'est moi qui suis responsable de leur sécurité. Et j'ai sur les bras le tsar et Fantômas. Oh, celui-là, je m'en charge. Entre lui et moi, c'est la guerre à mort. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé au théâtre des Folies Françaises ? Ah oui, oui, j'ai lu ça dans les journaux à la frontière. Et j'aimerais vous en parler. Ah, ce n'est pas le moment. Dans 2 heures, à la sûreté. J'y serai. J'arrive à l'instant. Quelle corvée ! Et Nicolas qui réclame son collier à cor et à cri. Son collier, son collier. Est-ce que je les vois, cette breloque ? Et les poules, chef, vous les avez ? Alors vous aussi ? Tout le monde me parle de poules. On a volé des poules noires au directeur du jardin d'acclimatation, en Russie précisément. Des poules se mettent à cacter boulevard Haussmann. Il paraît même qu'un rastaquaire nommé Palatello élèverait des poules rue de Prony. Et maintenant, c'est vous qui me demandez si j'ai des poules. Le collier de la tsarine et ses volailles, c'est du même tabac, chef. Vous délirez. En clair, c'est signé Fantômas. Je m'explique. C'est... Allô ? Oui, c'est moi. Nom de Dieu ! Juve ! C'est horrible ! En plein jour ! En plein Paris ! Fantômas ! Fantômas ? Allons-y ! Là-bas, c'est Fandor. Fandor, Fandor, c'est moi. Parle. Tu es blessé ? Une bosse à la tête. Ah, que s'est-il passé ? J'étais là. J'ai tout vu. Sortant de la clinique... où Hélène survit, ma passion pour le cirque, irrésistiblement, me poussa aussitôt vers le Ferric City, dont le grand chapiteau se dressait sur la place où s'entassait la foule. Un spectacle aérien dans le ciel se déroule. Au-dessus d'un filet tendu sur les badauds, plus de 30 acrobates, hein, comme de blancs oiseaux, virevoltent légers de trapèze en trapèze, déloient de la pesanteur réfutant l'hypothèse. Soudain, stupeur, surgit sur le plus haut tremplin, vêtu d'un noir collant, un poignard à la main, Fantômas. Fantômas, oui, le maître du cri. Un long souffle angoissant, comme issu d'un abîme, a parcouru le peuple immobile et surpris. Rompant l'envoûtement, je pousse alors un cri. Sauf qui peut ! Mais trop tard, d'un seul geste, le diable fait descendre ses sbires qui glissent le long des câbles. Puis, tout en ricanant, et d'un coup de sifflet, sur la foule hurlante, fait tomber le filet. Horreur ! Horreur ! Le piège infernal se resserre, et, en quelques instants, les badauds sont à terre, écrasés, bousculés, battus et dépouillés par les faux acrobates de sang tout barbouillé. Farouchement, je me bats, mais mon regard se voile, car un coup de matraque m'expédie aux étoiles. Fantômas, je ne l'arrêterai donc jamais. Dans la nuit sinistre et sombre, à travers la tour Eiffel, Juve poursuit le criminel. En vain guette-t-il son ombre, faisant un suprême effort. Fantômas s'échappe encore. Bonjour chef, quoi de neuf? Ça, dans les journaux du matin, le même article, le même Juve. Et alors? Alors, vous m'avez bien dit que le collier de la tsarine, retrouvé par vos soins, était faux. Il paraît. Eh bien, tous ces journaux, sans exception, annoncent que ce soir, au gala de l'opéra, la Tsaritsa portera le célèbre collier. Et tous précisent, ce collier avait été volé, affirme la police, par le redoutable Fantômas. C'est le célèbre Juve qui réussit à le restituer à sa légitime propriétaire. La Tsaritsa, en se parant de ce collier, honorera donc Paris et donnera une preuve aimable et spirituelle de la reconnaissance qu'elle porte au fameux policier français. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je dis qu'une fois de plus, Fantômas est passé par là. Suis-je belle, Natacha? Vais-je mériter les compliments que la presse me décernera? Votre Majesté rendra jalouse toutes les Parisiennes. Merci, Natacha. Sa Majesté, l'Empereur, a fait dire qu'il était aux ordres de Sa Majesté, l'Impératrice. Dans ce cas, je vais les rejoindre. Votre Majesté n'aimait aucun bijou? Non, je ne veux porter que mon collier de diamants. Oh, il est donc retrouvé. On le dit. Quel accueil chaleureux! Vous ne dites rien, Nicolas. Votre Majesté serait-elle préoccupée? En effet. À quel sujet? Vous devriez le savoir, madame. Tous les journaux ont annoncé que vous porteriez votre collier. Et votre Majesté m'a fait dire par l'un de ses chambellans de ne mettre d'autres bijoux que ce collier. J'en avais donc conclu qu'il était retrouvé. Il ne l'est pas. Oh. Du moins pas encore. Attendons. Est-ce que Juve a fait annoncer que vous auriez le collier, c'est que vous l'aurez. Que Juve viendra avec mon collier? S'il ne l'a pas, il sera pendu. Nous sommes en France, Nicolas. Alors je le ferai enlever et pendre à Saint-Pétersbourg. Au fait! Au fait! Au fait! Mais baissez le rideau de fer, nom de Dieu! Mes bijoux! Ne touchez pas mes bijoux! Mon collier! On a pris mon collier! Là-haut, regardez! Un homme! Il a un poignard à la main! Fantômas! Nous allons mourir! Vite, sire! Suivez-moi! Par ici! Venez, madame! Mais que se passe-t-il? Des nihilistes? Une bombe? Si ce n'était que ça, venez vite! Hé, Restez assis. Pas de panique. Du calme, messieurs, dames. Il n'y a pas d'incendie. Du sang-froid. C'est une fausse alerte. Ici, Gilles. Je suis ici. Je t'ai vu, démon. À nous deux, cette fois tu ne m'échapperas pas. L'opéra est cerné. Par ici, Jules. Par ici. Alors, Père Roussin, 40 morts, plus de 200 blessés, plusieurs millions de francs en bijoux et joyaux de toutes sortes qui ont été volatilisés. Signé Fantômas. Oui, je l'ai vu. Il était là, mon habit et 8 reflets, le poignard à la main. Ah, heureusement, j'ai pu faire fuir à temps leur majesté. Un homme s'est jeté à sa poursuite. On aurait reconnu Juve. Mais depuis, pas de nouvelles. Et le tsar? Il fait la grasse matinée, chef. La tsaritsa aussi. Les vaches! Comment vont-ils se décider à rentrer chez eux, ces deux-là? Prenons Paris. Il est tout de même bien dormi. Champagne à profusion. C'est ce qui m'a remis de ces émotions fortes. Mais par Saint Chrysostome, où est Juve? Qu'a-t-il fait du collier de Bobonne? Pravic! Oui, sire. Quel temps ce matin? Tiède, un temps de France. Tant mieux. Approche-toi. Écoute-moi. Majesté, je suis tout oreille. Jure-moi la discrétion. Votre Majesté sait qu'elle peut compter sur moi. Tu vas m'apporter mon complet bleu, mon chapeau melon, ma canne à poignée d'argent et mes gonds gris. Je sors. Rien ne saurait faire revenir votre majesté sur sa décision. Rien. Que les saintes images vous soient donc propices. Rien parmi tous ces titis qu'un badaud anonyme. C'est aussi à Paris, fredonné en rêvant la romance à la mode. Tu viens, Boublon? Le sourire gentiment à l'aventure qui rôde. Un peu de feu, s'il vous plaît. Voici. Ah. Merci. Vous, vous n'avez pas l'air d'être de Paname. Hein? Non, hélas. Alors, et pour une pièce de 100 sous, je vous ferai voir des choses rudement battes, si vous voulez. Quelle chose? Où ça? Eh, gros malin, si je vous le dis, vous irez tout seul, et puis moi, je ferai ballon de ma thune, alors. Soit, prenons une voiture. Ah, chouette, mon prince. Cocher. Hé, hey, à Montmartre, mon brave. C'est parti, mon prince. Que votre majesté veuille bien m'excuser. Comment? D'abord de l'avoir reconnu, ensuite de l'avoir abordé, enfin de lui avoir menti. Qui, qui êtes-vous, monsieur ? Ou peu importe. Mais je suis en mesure de rendre à votre majesté le plus signalé des services. Où voulez-vous en venir ? Je sais où est le collier soi-disant volé par Fantomas. Mais pas parler, monsieur. Il est caché dans la doublure du veston intérieur que porte quand il est chez lui l'inspecteur Juve. Je n'y comprends rien. Expliquez-vous, Juve. Ce collier ne s'est pas logé tout seul dans la doublure de votre veston. C'est vous les voleurs. N'essayez pas de mentir. Qu'on les pende. Un peu de patience, sire. Allons, Juve, parlez. Votre majesté est-elle bien sûre qu'il s'agit là du collier qui lui a été volé ? Mais tout à fait, la monture est inimitable. Vous êtes démasqué. Ah, en effet. Et bien entendu, votre majesté a récompensé cet honnête indicateur qui vient de me faire prendre. Sur le champ, un chèque de 100 000 francs. Très bien. Que votre majesté veuille bien avoir l'amabilité de jeter ce collier à terre. Mais... Je vous en prie, sire. Bon. Voilà. Et après ? Un collier faux, ça se brise comme ceci. Et comme ça se brise facilement, c'est le payer très cher que de le payer 100 000 francs. Il était faux. L'homme qui a mis votre majesté sur ma piste n'avait-il pas une cicatrice à la tempe droite ? Si. Fantôme. Encore lui. C'est très dangereux de se promener seul dans Paris quand on est tsar de toutes les Russies. Cela fait 40 ans que l'ermite habitant au 29 de la rue des Irlandais prétend rechercher en usant de moyens alchimiques la synthèse de l'or, à l'abri au Mexique. Mes réserves s'épuisent de ce précieux métal. Il m'en faut pour qu'enfin de Dieu je sois légal. Sous le nom de Saül, connu de tous, l'ermite, aura-t-il réussi en dernière limite à toucher à son but ? Alors, Saül, ton or est à moi, car j'aurai entre mes mains ton sort. Vingt-neuf. C'est ici. Que veux-tu ? Bedjapur. Toi qui connais le nom de Bedjapur. Sahib, que la route fut longue et que j'ai eu de peine à découvrir ta demeure. Je vis en solitaire. Personne ne connaît ma véritable identité. Mais toi-même, qui donc es-tu pour troubler le silence de ma retraite ? Bouddha est avec nous. Que veux-tu ? Au lendemain de l'affreuse répression des Sipayes par les tortionnaires anglais, un jeune enfant de la famille royale réussit à s'échapper. Son nom, Bedjapur. À 20 ans, il voulut organiser la révolte contre l'envahisseur. Mais, trahi, déçu, il se réfugia dans la méditation, près des Brahmanes. C'est alors qu'il comprit que pour libérer l'Inde du joug anglais, il lui fallait l'arme essentielle. L'or. Telle fut en effet ma pensée. Mais comment ? Je sais cela, Bedjapur, parce que je suis ton sujet, ton disciple. Tes frères des bords du Gange m'ont donné pour mission de te dire ceci. Es-tu prêt ? Possèdes-tu enfin ces réserves d'or que tu projetais d'accumuler ? Voilà 40 ans que je crois être à la veille de découvrir le secret de la fabrication de l'or. Et tu ne l'as pas trouvé ? J'ai de l'or plein mes caves et aussi dans des réserves lointaines. C'est bien peu. J'en possède même dans les banques les plus sûres des grains des nations européennes. Ah, tout cela n'est rien. Demain, tu seras mort à côté de ta misérable provision d'or. Et l'Inde restera écrasée sous la domination anglaise. Est-ce donc pour cela que tu t'appelles Bejapour et que Bouddha t'a marqué au front de son doigt majestueux? Hélas, il est vrai que j'arrive au déclin de ma vie et que je n'ai pas réussi l'œuvre. Bejapour, j'ai mieux que le secret que tu cherches. Parle, je t'en conjure. Je sais fabriquer le diamant. Non. Mais pour cela, en échange de ce secret, il me faut de l'or, beaucoup d'or. Et alors, tu deviendras l'homme le plus puissant de l'univers. Si ce que tu dis est vrai, mon fils, tout mon or, il est à toi. D'abord, élucider le mystère évident que recèle l'épaule. Je crois bien qu'en filant, comme à présent je fais, le dénommé Bousille, je trouverai enfin la clé de cette grille. Où donc transporte-t-il cette cage de bois? Où glousse la volaille? Où va-t-il et pourquoi? Tiens! Est-ce sur ce chantier qu'à présent il habite? Le voilà qui se glisse dans une grosse conduite. Bousille! Bousille! Je me doutais bien que vous me filiez, monsieur Fandor. Que fais-tu dans ce gros tuyau? J'en ménage. La ville de Paris m'a foutu à la porte de ma colonne Maurice. Alors, je vais m'installer ici, dans ce grand tuyau de chantier, avec Joséphine, la poule à la Toulouche. Ah, oui, c'est vrai, Joséphine. Une teigne. Et comment va-t-elle, la Toulouche? Une teigne aussi, et plus moche aujourd'hui qu'hier, et cuitée tous les jours à partir de midi. Au fait, où est-elle maintenant, cette vieille toupie? Oh, allez donc savoir, hein. Bousille, il va où il veut, la mère Toulouche aussi. Bon, je vais te laisser fignoler ton palace. Un de ces jours, Bousille. Alors, voyure, monsieur Fandor. Il est devenu bien trop discret pour mon goût. Et le voilà logeant dans un tout à l'égout. Mais je ne vais pas le lâcher d'une semelle. Pour les pieds, cachons-nous derrière ces poutrelles. Joséphine, s'agit de ne pas les perdre de vue. Te v'là, t'as ramené la volaille? Ben, tu l'entends donc pas, Toulouche? Regarde-moi ça, et pense qu'à ce cavalier, comme les femmes. T'as fini d'insulter le sexe, suffit. On t'a convoqué pour rendre la bestiole. Oh, moi je veux bien. Mais qui c'est qui va me payer l'entretien? Pour combien que t'en as? 20 sous par jour. Tiens, t'as tendu. Oh, bah dis donc, la Toulouche. Oh, mais t'es pleine aux as. Mais d'où que tu tiens tout ce pèse. Et plutôt de payer un litron. Oh, ben, ouais, Dieu Joséphine. M'en va boire à ta santé. Oh. Et copain, hein, rien de nouveau? Bec de gaz et Rick de Meuf sont sans femme. Oh, oh, je sais, ça. L'Adèle, elle s'est poussée dans la route. Paraît qu'elle couche dans de la soie brésilienne. Ouais, ça se monte. Oui, mais c'est embêtant pour Bec et Rick. Comment qu'ils vont s'arranger? Ils chercheront une autre femme, là, tout. Oh. Ben, les poules, et que tu vas en faire? Si on te le demande. Ah bon? Oh! Eh ben, salut, Toulouche. Salut, Bousille. La paix là-dedans! Une petite nouvelle. Et je vous embarque toutes mes facoles. Cocher! Oh, voilà! Un Châtillon, impasse du Moulin. Grimpons sur les ressorts du fiacre. À Châtillon. Ah, faut-il qu'elle en ait, Toulouche, des picaillons, pour s'offrir un sapin? Le doute est inutile. On l'a payé pour rassembler ses volatiles. Donc, c'est un paysan au geste patelin qui attendait Toulouche, impasse du Moulin. Oui. Mais je reconnus tout de suite en cet homme celui qui, sur Paris, rôde comme un fantôme. Fantôme ? Toujours lui. Alors, spontanément, je pris mon revolver, puis, dans le même instant, réfrénai mon ardeur, estimant nécessaire d'éclaircir avant tout un agaçant mystère. Celui des poules noires. Oui. Pourquoi, oui, vraiment, transporter dans Paris ces animaux gloussants? Je me décidai donc à demeurer sur place et à ne point quitter les abords de l'impasse. Que vîtes-vous alors? Oui, que fit Fantômas? Ah, je savais bien que Fondor était un as. Il entra et resta pendant deux bonnes heures dans l'intérieur obscur de la vieille demeure. J'attendis et fis bien, car toujours déguisé en paysan matois, je le vis s'en aller vers Paris et suivi de quelques acolytes. Bec de gaz, œil de bœuf, cortège hétéroclite. Et tous, vous m'entendez, tous avaient sous le bras, comme s'il s'agissait d'un trésor de Raja, allons, devinez quoi? Une petite cage en osier solognon pleine de caquetage. Bravo! Pour votre flair. Et j'avais-vous filé? Bien sûr. Mais à Montrouge, l'étrange défilé dont je fermais la marche en restant sur mes gardes se sépara soudain et, comme par mes gardes, en trois groupes distincts. Je restai attaché au pas de Fantômas qui, sans trop se presser, finit par se glisser dans une sombre rue, celle des Irlandais. Je le perdis de vue. Oh. Mais pas pour longtemps, car il était entré au numéro 29. Et pour y pénétrer, que fis-tu donc, Fandor? Rien. Vous capitulâtes? Non, mais je n'entrai point, car tel un acrobate, je me hissai bientôt sur le sommet rouillé d'un bec de gaz urbain. Puis, ayant apprécié ce qui m'en séparait, je bondis en silence sur le toit du 29. Après! Patience! Car là, il me fallait être prudent. Alors? Après avoir jeté un coup d'œil aux abords, avec précaution, j'enlevai quelques tuiles. Une odeur de santal, d'encens, de chlore et d'huile engourdit mon cerveau. Mais je me ressaisis, et j'entendis alors. Je vis. Oh, mes amis. Parle, parle, Fandor. Vous ne pouvez vous taire. Oh, cela relevait de l'extraordinaire. Mon fils, Bouddha aurait-il enfin exaucé mes prières? Bejakour, voici les oiseaux divins que j'ai cru devoir t'apporter. Grâce au procédé que je t'ai indiqué, la vile nourriture absorbée par ces poules se transforme en l'espace de quelques heures et prend la nature et la consistance de la pierre la plus précieuse qu'il y ait au monde. Les diamants? Oui. Que Bouddha te bénisse. Tu pourras contrôler plus tard, quand tu seras seul, l'exactitude de mes propos. À présent, tu dois m'aider, Bejapur. Je suis pauvre et j'ai besoin d'or. Bejapur tient toujours ses promesses. Dans des caves dont je vais te livrer les secrets, se trouvent des caisses remplies de pièces d'or. Tu pourras y puiser à ta volonté. Où se trouve-t-elle? Parle, parle. Allons, parle, Fandor. Où est-il, ce trésor? En quel endroit secret est caché tout cet or? Hélas, je n'en sais rien. Quoi? Car seuls des murmures s'élevèrent, confus, jusque à la toiture. Mais j'assistais alors, les yeux exorbités, au spectacle inouï du massacre éhonté des poulets innocents dont le sang et les plumes devenaient sur la table une écœurante écume. Je restais là, figé, le regard hébété, des mains tripatouillaient avec avidité des sanglantes dépouilles les fumantes entrailles. Et soudain, un grand cri ponctua la trouvaille. Une main se tendit, qui tenait en tremblant un objet rayonnant de feux éblouissants. Un diamant. Ainsi, il faut à l'évidence nous rendre tous les trois. Une fortune immense s'amplifiant à son gré de tous les diamants qu'il sera fabriqué fera assurément bientôt de Fantomas le grand maître du monde. Une imagination à l'humeur vagabonde vous détourne, je crois, d'une humble vérité. Chef, tous ces diamants ne sont et n'ont été que ceux qui devaient être au cou de la tsarine, joyaux que Fantomas, pour lui simple routine, déroba en Russie et fit ingurgiter aux poules de Jonvial pour leur faire passer en toute impunité chaque poste frontière, renforcé par mes soins d'unité militaire. Fameux, subtil, génial, à fond d'or. Grâce à vous et à votre intuition, mon cher Juve, le loup est débusqué. Alors, taillo, et que la chasse commence sur le champ. Mais prudence de grâce. L'or de ce Bejapur vient de lui conférer plus de puissance encore. Il faut donc affiner nos plans et tout d'abord reprendre un peu à l'air. Je vais en profiter pour aller voir Hélène. Une sorte de mage indien, dis-tu? Oui, et tout près d'ici. Le jardin de sa maison doit jouxter le parc de l'hôpital. Comment est-il, ce mage? Il portait la robe des Brahmanes. Et Fantomas l'appelait Bejapur. Bejapur! Te voilà toute pâle. Tes mains sont glacées. Je vais appeler l'infirmière. Non, ce n'est rien. C'est ce nom de Bejapur. Dis-moi. Quelle étrange coïncidence. Laetitia avait-elle raison? Quel rapport peut-il y avoir entre ta vieille nourrice et ce Bejapur? quand j'étais toute petite, là-bas, en Afrique du Sud. Hélène, mon petit, repose-toi. Ne dis plus un mot. Plus tard, quand tu seras guérie. Dors, mon amour. Dors. Et moi, je te dis que si l'argent, il est rond, hein, et bien c'est parce qu'il est fait pour rouler. Adèle, il est un pays. Écoute-moi. Je suis sourde. Il veut bien te donner tout l'argent que tu veux, mais moi, dépense-le intelligemment et rends-moi compte des 50 000 francs qu'il te donne chaque semaine. Quoi? Tu aurais jeté à la livre de compte comme une femme de ménage. Pourquoi? Des clous, conquistador à la manque. Bien, j'y renonce. Où tu vas? Au salon, faut mon cigare. Nom de Dieu, ferme la fenêtre! Je vais l'étrangler, cette mère! Ah, ça jamais! C'est ce que nous verrons. Ah, il n'en manquerait plus que ça. S'ils sont capables de tout, ces gauchos. Bonjour, Adèle. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je pensais. Ah ouais? Mais comment vous êtes entré chez l'inspecteur? Par la porte. Alors, Adèle, on fait de l'élevage? Et alors? T'es défendu d'élever des poules en appartement? Tant que les voisins ne se plaignent pas. Mais ma petite, je me moque des poules. Alors, quoi que vous voulez? Te protéger contre les brutalités de ton Brésilien? Raconte qu'il file des sacrés raclés. Oh, ben dites donc. Là qu'on déplace le plus célèbre inspecteur de la sûreté parce qu'une demi-mondaine se fait caloter par son homme. Oh, j'en rougis de confusion, là. Je n'insiste pas. Mais si jamais tu as des ennuis... Ouais, c'est ça, ouais. Vous n'oubliez pas pour moi, monsieur Juve. C'est qui est dit, hein? Non, te dérange pas. Je connais le chemin. Pour qui me prend, le père Juve? Me protéger? Faucheton. Tu crois que je vais gober cette histoire? Ah, mais non. Ce poulet-là, sûrement, c'est ma poule qui le tracasse. Et il faut bien avouer qu'à moi, elle me l'écorce. Madame a sonné. Oui, mais elle est arrivée, là, tout... La dame que j'attends. Il y a bien dans l'antichambre une espèce de pocharde qui demande à voir madame, mais... Fais la rentrée. C'est elle. Si madame le dit. Par ici, je vous prie. Madame, c'est la dame. Laisse-nous. Bon, alors écoute-moi bien, la mère. J'en ai soupé de ta volaille. Faut me l'embarquer, t'entends? Tu sais qui sort d'ici? Non. Juve! J'ai comme idée qu'il est sur une piste. Ça a mal tourné, hein, moi je te le dis. Faut pourtant pas de mal en apprivoisant des poules chez soi. Tu sais très bien qu'il y a du louche au sujet de ces poules. Et je veux pas d'histoire, moi. Alors tu vas me faire le plaisir d'embarquer cette espèce d'emplumée, sinon... Sinon? Je m'en vais dire à Juve que c'est toi qui m'as remis cette bête. Et qu'elle t'a été confiée par... Non, ta gueule, ma jolie. Je vais t'en débarrasser. Hé! Hey. Viens ici, ma cocotte. Ça y est, la tiens. Bon, ben alors maintenant, débine-toi. Je suis sûr qu'il sera content, Fantomas, de récupérer sa poule. Mais du diable, si je sais pourquoi. Sentez-vous vraiment mieux? Oui. Cette première sortie me fera beaucoup de bien, j'en suis sûre. Ah! Quel est donc ce vieil homme? Vêtu d'une robe blanche de l'autre côté de la haie? C'est notre voisin, un original. Et connaissez-vous son nom ? Saül, je crois. C'est un étranger, oriental, certainement. Voulez-vous vous asseoir sur ce banc ? Oui. J'ai pris un livre. Vous pouvez me laisser, ça ira très bien. Je reviendrai dans une heure. Merci. Ne prenez pas froid, surtout. Il faut que je sache. Je vous demande pardon, monsieur. Qui êtes-vous ? Ne vous ai-je pas déjà vu, mademoiselle ? J'ai l'impression de vous connaître. Je viens de l'hôpital à côté. C'est par mes gardes que je suis entrée dans votre jardin. Excusez-moi. Non, ce n'est pas une ressemblance. Je vous connais. Dites-moi votre nom. Autrefois, au Natal. Au Natal ? Oui. Je passais pour un garçon. Et je m'appelais... Teddy ! Est-ce possible ? Saül n'est pas votre nom, n'est-ce pas ? Votre nom véritable est... Bedjapur. Qui te l'a dit ? Viens. Entrons chez moi. Au moment où la désespérance allait s'emparer de moi, tous ces diamants vont me rendre ma puissance et me permettre d'accomplir enfin la mission qui m'a été confiée. Libérer l'Inde. Toutes ces pauvres bêtes que vous allez devoir tuer comme celle-ci. Tout ce sang sur cette pierre. C'est toute l'histoire de l'Inde opprimée qui se symbolise dans ses joyaux ensanglantés. L'histoire aussi de celui qui m'a trahi, mon fils Sandik. Il a disparu laissant un enfant. Et cet enfant allait être sacrifié par Bedjapur lui-même. Mais Bouddha ne l'a point permis. Des serviteurs dévoués à Sandik l'ont enlevé, le soustrayant ainsi à la juste fureur de son aïeul. C'était une fille qui doit être une femme aujourd'hui, belle comme sa noble mère. Comme toi, elle avait des cheveux d'or. Comme toi, des yeux clairs et profonds. Comme toi, elle avait... Mon Dieu ! Silence ! Qui se permet d'interrompre Bedjapur ? Bedjapur, au nom du ciel, continue ! Qui était cet enfant ? Comment s'appelait sa mère ? Tu veux connaître le nom de l'héritière de Bedjapur, de celle qui a les droits les plus légitimes de les remplacer sur le trône de l'Empire des Indes? Tu veux connaître le nom de sa mère? Silence! Eh bien, c'est... Ah oh oh Fantomas! Il l'a tué! On la croirait ainsi morte, Hélène, ma fille. Non, pas de défaillance, au diable la famille. Je dois poursuivre seul ma grande œuvre de mort. À présent que de ce Bedjapur j'ai tout l'or. Mais je ne l'ai pas tué pour ses seules richesses. Car ce que je craignais, c'était qu'il lui confesse à qui elle devait, mystère éblouissant, à part moi, Fantomas, la moitié de son sang. Il ne faut pas qu'elle s'éveille ici. Là, sur ce banc, en revenant à elle... Elle pensera avoir fait un mauvais rêve. Hélène ! Enfin ! On s'est aperçu de sa disparition. Hélène ! On vient de partout. Adieu, Hélène. Adieu, mon enfant. À bientôt, Juve. Malédiction. J'ai laissé des diamants chez Bedjapour. Hélène! Par ici, par ici. Non, trop tard. Il faut fuir. Mais l'envoyons en messieurs, messieurs, messieurs, je vous en prie, du calme. Les événements se précipitent. Faisons le point. Donc, Bedjapour... Poignardé par Fantomas, aucun doute possible. Hélène a tout vu. Mais pour quelle raison a-t-il supprimé cette espèce de charlatan? Charlatan, Bedjapour? Ah, oh, n'en croyez rien, monsieur Avare. Dépositaire des grands secrets de l'Inde et détenteur d'incroyables richesses, il constituait pour Fantomas une proie de choix. Et très juste, petit, car dans une cave secrète de la rue des Irlandais, nous avons trouvé des coffres vides. Ah. Seules quelques menues pièces d'or, oubliées par le maître du crime, révélaient la nature de leur contenu. Mais enfin, pourquoi le tuer? Puisqu'il avait réussi à lui extorquer son or. Et les diamants, chef. Croyez-vous qu'il allait lui en faire cadeau? C'est vrai, c'est vrai. Oh, les diamants d'Azarine dans des gésiers de poules. Incroyable. Et heureusement, nous sommes arrivés à temps. Et nos hommes ont récupéré la dernière pierre chez une complice de Fantomas, la Toulouche, à l'adresse indiquée par Fandor. Le collier est à présent au complet. Fantomas avait peut-être une autre raison de supprimer Bedjapour. Laquelle? Il n'avait pas l'air de tenir à ce qu'il révèle à Hélène le secret de sa naissance. Il l'a poignardé à l'instant précis où il allait apprendre à Hélène le nom de sa mère. J'ai ma petite idée là-dessus. Mais chaque chose en son temps. Et à quelle heure le tsar quitte-t-il Paris? Le service d'ordre est prévu en gare du Nord pour 8 heures. Bien. Pouvez-vous prévenir Sa Majesté que je serai là et que j'aurai l'honneur de lui rendre les diamants de la tsarine? Moi qui croyais pouvoir, de tous mes sentiments, rester maître absolu, j'ai flanché un moment, quand je me suis trouvé devant ma fille Hélène. Aurais-je donc un cœur? Quelques fibres humaines? Deboeuf et moi, on a décidé de la chose. Ouais, c'est comme il est. Allez, vas-y, mec de gaz. On remplace Adèle. Mais, ouais. Pour remplacer une gagneuse comme Adèle, c'est 3 gonzesses qu'il nous fallait. Et qui c'est vos 3 femmes? Lève-la, lève-la là. Allez, allez, grimpez sur cette table, homme. Allez, voilà. Celle-ci, c'est la grenouille. Je vous sentrai bien tous, mes mignons. Visez la bouche. Celle-là, jujube. Bonjour, les dames. Voyez les pains. Et ça, c'est ça le sifi. Et pour vous, ça sera fifi. Admirez-moi, plantain. Ah, il est belle. Eh ben, les pains de gros leurre. Pas touche, sinon... Allez, vous deux, suivez-moi. Fini la rigolade. Oui, plantain. Je ne suis pas content de moi. Il me faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Pour compenser les diamants que j'ai perdus. Ah bon? Et je veux aussi que vous soyez tous riches. Ce soir même. Ce soir? Écoutez-moi. Il y a des courses à Longchamp. Et elles vont finir dans 2 heures au plus. Il fait beau. Ce sera donc une bonne recette. Elle sera à nous. À moins que vous ne soyez pas d'accord. On marche, vous pensez, chef. 3 omnibus doivent emporter vers les coffres du Paris Mutuel toute la recette du jour. Ils s'engageront ici, dans l'avenue du Bois. Ouais. Mais lorsqu'ils seront là, c'est-à-dire à la hauteur du pavillon chinois... À Créoeil de Bœuf, vers les omnibus. Allons-y, bête de grâce. Au galop. Attention! Rangez-vous! Regardez! La colline là-bas! Ses chevaux sont là! Ils vont s'accrocher! Garez-vous! Oh, ça y est! L'accident! En main le sort du loup que nous traquons. Ouvrons donc la séance. Allons-y. Tout est prêt pour notre conférence. Je vous en prie, messieurs, restez assis. Je vous présente l'inspecteur Juve, dont l'exposé va compléter celui que vient de vous faire mon adjoint, monsieur Péroussin. Mon cher Juve, vous avez la parole. Messieurs, Fantômas est le véritable protée moderne. Et la grande difficulté que la police éprouve à le vaincre provient précisément de la facilité avec laquelle il se rend méconnaissable. Néanmoins, ayant pu maintes fois l'approcher au cours de ma longue carrière, je suis en mesure, grâce à d'habiles trucages, de faire défiler devant vous, sur cet écran, des vues cinématographiques qui représenteront Fantômas avec assez d'exactitude pour que vous puissiez croire que ce soit lui, véritablement, qui ait servi de modèle. Et éteignez la lumière. Paul, oui. Tu peux envoyer le film. Ouais. Bien entendu, comme il s'agit de trucage, ces vues sont fixes, ou presque. Voici notre homme à Monte-Carlo, du moins tel que des témoins l'ont vu. Ici, à Londres, en Espagne. Le voici sous les traits de l'oncle Baraban dans l'affaire des souliers du mort. Ici, en Afrique du Sud. Ah, le voici tel que nous le connaissons tous, habit, cape noire, haute forme et le poignard à la main. Mais il bouge. Oui, regardez. C'est un revolver qu'il tient maintenant. Juve, vous vouliez donc projeter ma cinématographie? Oh, alors, non. Ces trucages sont indignes de vous. C'est pourquoi j'ai décidé de venir moi-même, en chair et en os, avec de vraies balles dans mon revolver. Oh ! Fantomas ! En personne ! Tirez ! Et tirez donc ! Paul ! Paul ! Donnez de la lumière ! Qu'est-ce que vous attendez, mon Dieu ? Il est mort. Fantomas l'a égorgé. Quatre morts. Des blessés. Des ruisseaux de sang. Le sang ? Marque de Fantomas. Le gigantique ? Qu'est-ce que c'est que ça, le gigantique ? Regardez cette photographie, chef. C'est ça, le gigantique. Oh, peste ! Quel bateau ! Une véritable ville flottante. Bon, je veux bien, mais vous n'êtes tout de même pas venu me voir pour me faire admirer la photographie d'un paquebot, si beau et si grand soit-il. Non, j'ai eu l'autorisation de le visiter au Havre, et j'en reviens. Ah, c'était pour ça le congé ? Oui, car tout de suite, une idée m'était venue au sujet de Fantomas. Je vous écoute. Ce fabuleux paquebot entreprend demain sa première traversée à destination de New York. Un merveilleux voyage, un événement unique. C'est un monde entier qui va se trouver à bord. Toutes les cabines sont louées, tous les appartements de luxe, y compris le plus cher, le plus royal, celui qui porte le numéro 1. Et alors ? Je me suis dit qu'un événement aussi exceptionnel devrait intéresser Fantomas. Ah, c'est juste ! Il raffole du spectaculaire ! Et je crois bien que j'ai eu raison de me fier à mon flair. L'appartement numéro 1 a été loué pour la traversée. 100 000 francs. Une paille ? Un Américain, sans doute. On ne sait pas. Comment on ne sait pas ? Le voyageur ne s'est pas fait connaître ? Non, il est payé d'avance par lettre recommandée. Et depuis deux ou trois jours, il fait charger à bord et ranger dans les soutes, avec un tas de précautions, bon nombre de caisses et de bagages venant d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie, d'Allemagne. Mais il n'a toujours pas paru, même pas donné son nom. Et vous croyez que j'en mettrai ma main au feu ? Juve ! Vous embarquez demain à bord du gigantique. Oh ! Oh ! Du bateau ! Oh, attendez ! Il y a encore une caisse à enlever ! C'est trop tard ! On va lever l'ancre ! Oh, pas de blague ! C'est pour l'appartement numéro 1 ! Bon, dans ce cas, j'envoie des hommes. On va vous la prendre, mais il était temps, hein. Allez, vous autres, emmenez-vous ! Merci ! Je ne peux pas rester avec cette caisse sur les bras, moi. Bonjour, Père Antoine. Bonjour. Alors, on venait voir le gigantique ? Oui, j'avais une caisse à livrer. Alors, ça marche les affaires ? Oh, pas mal. Ah, tant mieux. Pour moi aussi, ça marche. Ah. Surtout aujourd'hui. Je viens de gagner une belle somme sans me donner tant de mal. Oh, tiens donc. Tout comme moi. Avec un drôle de type. Hein. Un original, pas de doute. Vous savez ce qu'il m'a demandé ? Non. Lui fabriquer en vitesse une caisse assez grande pour contenir, mais devinez quoi ? Un homme. Tout juste. Alors d'abord j'ai re-signé, hein. Je me suis dit, il y a du louche là-dessous, mais quand il m'a refilé 200 francs et quand il m'a eu dit que l'homme à mettre là-dedans c'était lui, alors j'ai dit oui. Et cette caisse ? Cette époque, vous l'auriez fait porter à bord du gigantique et déposer dans l'appartement numéro 1. Et comment le savez-vous ? Charlot. Écoutez-moi bien. Moi aussi, je viens d'apporter un homme. Dans cette caisse, là, qu'on est en train de monter à bord du gigantique. Et pour l'appartement numéro 1, aussi. Non. Si. Ben, dis donc, quelle affaire. Avant de me glisser dans ce lieu exigu, en faire capitonner les parois de vieux chêne, Au sortir de ma caisse, j'aurai bien moins de peine. Ah, mais non. 100 fois non. J'aurai le sentiment d'être dans mon cercueil, pareil aux morts vivants des romans populaires d'Alain et de Souvestre. Bon, maintenant, faut sortir de la boîte qui me séquestre. Mais d'abord, par les trous percés dans les parois, m'assurer que la nuit et l'orchestre hongrois ont dans le grand salon rassemblé les fêtards. C'est le noir absolu. Et personne. Il est tard, c'est le moment d'y aller. Un chef de la police se servant habilement pour raison de service d'une pince, monseigneur, ça se voit pas tous les jours. Ici comme dans un four. J'y vois rien. Bougeons plus. Faut trouver la lumière. Quelqu'un ? Fantomas, si c'est toi, fais ta prière. Fondor ! D'où sors-tu ? De cette caisse. Et vous ? De celle-ci. Oh ben ça, alors. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Juve, comment avez-vous pu croire que je resterais paisiblement à Paris alors que j'avais deviné ce que vous comptiez faire ? C'est-à-dire ? Livrer contre Fantomas une ultime bataille. C'est vrai, du moins je l'espère. Alors pour m'introduire à bord, j'ai fait fabriquer cette caisse dans laquelle je me suis installé. Oh, oh, oh. Sacré Fandor. Nous avons eu la même idée. On se connaît bien. Pas étonnant que j'ai tenu le même raisonnement que vous. Je me suis dit, la première traversée du Gigantique, voilà un événement sensationnel qui devrait aller chez Fantomas. Et maintenant, à nous de le trouver. Et d'abord de nous assurer qu'il est bien le passager de l'appartement numéro 1. Vous avez des doutes à ce sujet ? Aucun. Bon, alors qu'allons-nous faire ? Voici ce que je te propose. Tout d'abord... Bah, que faites-vous dans cet appartement ? Nous sommes à la roche. Tais-toi. Eh bien, répondez. Passager clandestin, hein ? C'est bien ça. Bon, emparez-vous de ces deux hommes. Et vous vous expliquerez devant le commandant. Mais en attendant, mettez-moi ces gaillards-là dans la cabine 14. C'était des complices à Fantomas. J'en ai reconnu deux. L'officier. Je ne sais pas, tout est possible. La situation me paraît grave. Elle l'est. Si Fantomas a réussi à introduire quelques-uns de ses complices à bord du Gigantique, c'est qu'il n'a pas seulement envisagé de fuir. Il prépare aussi un coup formidable. C'est bien mon avis. Mais bouclé dans cette cabine, que pouvons-nous faire ? Chercher à sortir d'ici. Attendre le moment propice. Mais ça peut demander des jours. Et pendant ce temps-là, Fantomas a les coups des franges. Hélas, oui. Moi, je pense à Hélène que tu as laissée à Paris. Elle n'était pas d'accord. Mais j'ai réussi à la convaincre. Brave petite. Comment trouvez-vous ce rythme venu de mon pays, chère duchesse ? Fasciné, si, mais un peu lassif. Il semble bien. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer le passager numéro 1 ? Non, personne, je crois. Mais je brûle de connaître ce voyageur mystérieux. Non, je ne parle pas du confort de ce navire, mais de sa rapidité. Savez-vous le nombre de milles nautiques que nous avons parcourus en 3 jours ? Oh, pas du tout, Carl. Et je me réserve la bonne surprise de me trouver en rade de New York, alors que je ne m'y attends pas. Very well, the gigantic. Même le whisky, you it American. Marvelous. Mais, heureusement, les girls, elles sont françaises. Cher ami, ce n'est pas bien. Comment ? Pour cette soirée de gala, vous ne daignez même pas porter la rivière de diamants que je vous ai offerte avant notre départ. Merci, Gaëtan. Mais si, voyez-je. Oh, mes diamants. On m'a volé mes diamants. Je les avais. Oui, on les a volés. Oh, au secours. Êtes-vous sûr? Oh, au secours. Mon collier. On m'a volé mon collier. Savez-vous? Chorte de zmi. Vzali moj portfeli. Maman, je vous avais bien dit qu'on avait arrêté de suspect. Mesdames, messieurs, je vous en prie, restez calmes. Mais oui, pas de panique, mesdames, messieurs. Tout va s'arranger. Je vais prévenir le commandant. Alors, allô, musique. Et malgré mon intervention, commandant, je ne suis pas parvenu à calmer les victimes nombreuses de ces vols. Bon, continuez les recherches. Oui, commandant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arrestation de deux suspects? Mais je tombe des nues, commandant. Personne ne m'en a parlé. Ne démentez pas cette information, même si elle est fausse, comme il le paraît. Cela peut contribuer à calmer les esprits. Et essayez de tirer cette affaire au clair. Comptez sur moi, commandant. Quoi d'autre? Nos officiers font état, depuis hier surtout, de certains manquements à la discipline parmi le personnel des machines et aussi parmi le personnel hôtelier. Ah, pour une traversée inaugurale, nous ne sommes pas gâtés. Bon, venez, nous allons voir ça. Quatre jours. Ça fait quatre jours que nous sommes enfermés là-dedans. Moi, je suis sûr qu'il se passe quelque chose à bord. Oh, sûrement. Cette agitation dans les coursives, ces cris. Et nous n'agissons pas. Ah, patience, Frandor, patience. Je n'ai plus d'armes et nous ne sommes que deux. Ils sont cinq armés jusqu'aux dents lorsqu'ils nous apportent nos repas. Que peut-on faire? Tant que nous sommes vivants, nous pouvons espérer nous rendre utiles. Pour le moment, il serait fou de... On a frappé. C'est inhabituel. Qui est là? Juve, Fandor, est-ce vous? Hélène? Oui, c'est moi. Mais comment êtes-vous là? Pouvais-je abandonner Fandor? Hélène, mais comment êtes-vous? Plus tard. D'abord, il faut ouvrir cette porte. Avez-vous une lime à ongles et une épingle à cheveux? Oui. Glissez-les sous la porte. Voilà. À fréquenter les cambrioleurs, je me suis familiarisé avec leur méthode. Et faites vite! J'ai peur qu'on vienne. Et voilà le travail. Jérôme! Jérôme! Hélène, mon amour. Il faut faire vite. Fantomas a mené avec lui une bande formidable de complices. Je les ai vus à l'œuvre depuis que j'ai réussi à me faire embarquer comme femme de chambre. Ils sont terribles et capables de tout. Ils ont assassiné sept malheureux chauffeurs et pris leur place. Fantomas est maître des machines. Il a aussi des complices parmi les domestiques du port. Ne perdons pas de temps. Sortons d'ici. Il faut les empêcher de s'emparer du gigantique. Venez! Réduisez les machines. Nous approchons d'une zone de glace flottante. Par quelle discipline? Mais bon Dieu, je vous ordonne de diminuer l'allure d'un tiers! Inutile de passer des ordres, monsieur. On ne vous obéira pas. Quoi? Qui êtes-vous? Celui qui désormais commande. Et c'est à moi qu'on obéit. Vous êtes fou? Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Sortez! La passerelle est interdite aux passagers! Mais pas à moi. Car je suis le maître. Inutile de sonner. L'appareil ne fonctionne plus. Timonier ! Le timonier est un homme à moi. Mais foutez le camp ! Foutez le camp, je vous dis, vous me gênez ! Foutez le camp, ou je vous fais jeter par-dessus bord ! Si vous tenez à la vie, obéissez-moi, sans discuter. Ou je vous abats. Vous ne savez donc pas à qui vous avez affaire ? Non ! Et je m'en fous ! Je suis Fantômas. Fantômas ? L'insaisissable. Le génie du crime. Je suis le maître incontesté. Rien ne saurait me résister. L'avenir est à moi. Et j'écrase tous ceux qui prétendent me barrer le chemin. Que voulez-vous ? Que vous m'obéissiez. Jamais ! Alors, meurs donc ! Victoire ! C'est moi qui commande. Forcez les feux ! En avant, mes amis ! En avant ! Patron ! Toi aussi, tu veux mourir ? Qu'est-ce que c'est que ça? Allons, je vous ai dit de forcer les feux. Je suis le maître. Et je dis en avant toutes. Mais tu n'es plus le maître, Fantômas. Si, si, ce navire m'appartient. C'est le plus puissant, le plus rapide. Il est fait pour moi. Lui et moi, nous ne connaissons pas d'obstacle. Si, il y a un obstacle. Il vient de t'arrêter. D'arrêter le navire. Quel obstacle, moribond? Le plus fort. La banquise. Essayons de ne pas nous séparer. Suivez-moi, il faut trouver la cabine du télégraphe. Que faites-vous ? Je lance des SOS. J'ai prévenu que le gigantique était en perdition après avoir heurté un iceberg et qu'on ne tiendra pas plus d'une heure. Tenez. Écoutez. Répond. C'est le Morania. Il est à 10 000 d'ici et il met le cap sur nous. Nous sommes sauvés, commandant. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas le commandant? Non. Je suis Fantômas. Et tu vas m'obéir. Non. À moi. Au secours. Meurs donc, imbécile. Puisqu'il le faut, je ferai ça moi-même. Messieurs, monsieur le ministre de l'Intérieur vous parle. Messieurs, chers amis, à l'issue de ce banquet, où demeurant parfaitement réussi, je manquerai à tous mes devoirs si, aux représentants de notre police nationale qui se trouvent rassemblés autour de cette table, je n'exprimais au nom de la nation tout entière la reconnaissance qui leur est due et qu'ils ont bien mérité. Bravo, et si je n'avais pas une pensée émue pour ceux qui, héroïquement, sont tombés sous les coups de l'ennemi public numéro un, j'ai nommé Fantômas. Mais aujourd'hui, il m'est permis d'annoncer au pays... Monsieur le ministre. Oui, mais que se passe-t-il, monsieur le chef de cabinet? Un drame épouvantable. Mais parlez, voyons. J'ai plutôt ces dépêches. Gigantique, par TSF. À 10h42, le paquebot transatlantique gigantique à destination de New York touche un iceberg et se perfore par l'avant tribord. Voix d'eau impossible à colmater, le navire pique du nez, SOS sont lancés. Oh, mais mon Dieu, mais c'est épouvantable. C'est autre, tenez. Hein? L'officier télégraphiste sous-signé, blessé par bandit, qui déclare s'appeler... Fantômas. Non mais qu'est-ce que ça signifie? Fantômas à bord du gigantique, c'est horrible. Il faut agir. Ah, il faut sauver ces malheureux. Monsieur le ministre, on vous demande d'urgence au téléphone. Au téléphone. Sur le bureau. Allô, c'est vous, Avar? Que se passe-t-il? Quoi? Un accident? Deux accidents? Un fort qui fait explosion au Mont Valérien et un pont qui vient de sauter dans la banlieue? Vous venez? Ah bon, vous venez. Bon, alors je vous attends. Qu'y a-t-il encore, monsieur le ministre? Avar a des choses terribles à me dire. Il arrive. Il y a encore cette dépêche. Non, alors lisez, je vous prie. Le gigantique coule. Personne ne sera sauvé, pas même moi. Mais je veux que ma mort soit consacrée par une dernière vengeance. Mon Dieu. Ma disparition sera donc célébrée par quelques cataclysmes. Oh. Vous apprendrez donc que des malheurs sont survenus à Londres, à Madrid, comme à Paris. Et c'est signé... Fantômas. Monsieur le ministre! Oui. Monsieur le ministre, c'est la fin de tout. Je viens d'apprendre de nouveaux désastres. Oui, je sais. Londres, le gigantique. Et Bruxelles. Bruxelles. La gare du Nord s'est écroulée. Deux trains de voyageurs sont ensevelis sous les décombres. Oh. Et trois bombes ont explosé à Madrid, au palais de l'Escurial. Trois ministres tués. S'il vous plaît, qu'on ne m'apporte plus de dépêche. Des chaloupes à la mer! Des femmes et des enfants d'abord! Un homme par embarcation pour tenir les avirons! Embarquez! En ordre! 25 personnes par canot! Pas plus! Gigantique ne coulera pas. Je t'aime. C'est une farce. Ce n'est pas le monde qui bouge. C'est nous, parce que nous sommes sous. Non, mademoiselle, à vous, poisson, embarquez. Non, je ne veux pas partir. Mais... Fandor, pas sans toi, je veux rester avec toi. Tu as fait ton devoir, petit. Tu dois la protéger, par avec elle, puisqu'ils embarquent les hommes maintenant. Va, ne regrette rien. Aidez-moi, monsieur, à pousser ces deux jeunes fous dans le canot. Volontiers, Juve. Fantômas. Juve! Fantômas! Où es-tu? Je suis là, Juve. Misérable, je te tiens. Oh, inutile de me tuer. Nous n'avons plus que quelques minutes à vivre. La mort nous attend tous les deux. Elle va nous offrir le même linceul. C'est une mort beaucoup trop douce pour te faire expier tes crimes. Écoute-moi, Juve. J'ai des choses formidables à te dire. Non, je veux te tuer. Écoute-moi. Dans une minute, nous serons engloutis par l'océan. Tu ne me tueras pas quand tu sauras qui je suis. Quand tu sauras... Qui nous sommes? Parle, canaille. 20 fois, je t'ai tenu au bout de mon revolver. 20 fois, j'aurais pu te tuer. Et pourtant, j'étais toujours épargné. Sais-tu pourquoi? Tu avais peur. Tu sais bien que non. Alors? Ta mère est aussi ma mère, Juve. Ne blasphème pas! Je vais mourir et je ne mens pas. Juve, tu es le frère de Fantômas. Oh non! Moi encore, Juve. Je n'ai pas fini. Hélène. Quoi? Hélène. Elle est la petite fille de l'empereur des Indes. Hein? Toi, tu es né d'un autre père. Avant moi. Et si j'ai tué Bejapur, c'est pour l'empêcher de dire à Hélène le nom de sa mère. Seulement pour ça? Non. Non. Et aussi, pour qu'elle n'apprenne pas les effroyables crimes commis par son père, Fantômas. Non. Jamais Hélène ne saura. C'est fini! C'est justice! Juve! Mon frère! Ta main! Pardonne-moi! Serre-toi bien contre moi, ma chérie. C'est fini. Le gigantique a disparu. Oh, Juve. Oh, Juve. Est-ce possible? Fantômas, est-il mort? Allongeant son ombre immense sur le monde et sur Paris, quel est ce spectre aux yeux gris qui surgit dans le silence? Fantômas, serait-ce toi qui te dresse sur les toits? C'était La fin de Fantômas, de Pierre Souvestre et Marcel Alain. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Musique originale Louis Bessière. Complainte de Kurt Weill et Robert Desnos, chantée par Germaine Montéon. Avec Philippe Clay, Fantômas. Jean-Marc Thibault, Juve. Yves Régnier, Fandor. Claude Pieplu, Avare. Marie-Hélène Breillat, Hélène. Marion Gamme, Adèle de Rivoli. Germaine Montero, La Toulouche. Jacques Dinam, Bouzille. André Oumanski, le tsar Nicolas II. Catherine Vizhniakov, la tsaritsa. André Gilles, Bejapur. Jean-Paul Tamaris, Péroussin. Henri Poirier, le ministre de l'Intérieur. Gérard Dournel, le Bedeau. Jean-Jacques Stein, Fumier. Philippe Derez, l'officier de bord. Jacques Maire, Bec de Gaz. Pierre Guéant, Œil de Bœuf. Sylvie Hartel, la Duchesse. Yves Pénaud, Charlot. Gérard Thirion, Antoine. Maurice Travail, Jean Vial. Didier Conti, le docteur. Albert Medina, Manuel Palatello. Simi Miara, l'infirmière. Inès Nazaris, la dame. Bruitage, Louis Amière. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Claude Calvez, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierre. Thank you. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 mai 1984. Anonyme, devant le cas, sur mon 31, je composte mon ticket, train-train quotidien. Une moustache postiche, lunettes de soleil, de temps en temps la barbiche ou les grandes oreilles. Petit-fils de Fantomas et d'Arsène Lupin, je voyage en première classe parmi les rupins. Le bourgeois se réveille, il est en chaussettes. Je profite de son sommeil pour faire mes emplettes. Chevalière, montre suisse, cravate et chapeau. Ne laisser aucun indice, je prends le manteau. Petit-fils de Fantomas et d'Arsène Lupin, je voyage en première classe parmi les rupins. Planqué sous ma perruque, petit revolver, un coup de crosse sur la nuque, si ça dégénère. C'est une belle mécanique, tout est bien réglé. Si la victime panique, je peux l'étrangler. Ce matin, je courtisais une demoiselle, il faut dire qu'elle portait un collier de perles. Pourtant, je connais par cœur ce genre de technique. Le bijou était un leurre, c'était une flic. Sur son cou, j'ai la main mise et je suis aux anges. Quand l'odeur de sa chemise soudain me dérange, sursaut de lucidité, ça sent la volaille. Je dégaine mon pistolet. Et là, ça me mitraille. Dès le lendemain matin, à la une des quotidiens, mon portrait robot. Je suis toujours en cavale, j'ai changé de tête. Une embrouille à l'hôpital, et l'affaire est faite. Comment j'ai fui le wagon, ça c'est un secret. Jetez-moi donc en prison, je vous montrerai. Et quand vous prendrez le train en première classe, priez pour Arsène Lupin. Thank you.